démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Bon, on va essayer de mettre un peu de soleil dans cette semaine glaciale au Québec avec Annick Manier. Bonjour Annick. Bonjour. Et là, pourquoi un peu de soleil, un peu de bronzage aujourd'hui là? Oui, ben que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les journaux ou encore à la radio, le sujet qui a fait jaser cette semaine est sans contredit la météo. La vague de froid. Ben donc oui. Le fameux froid sibérien qui a pris la ville en otage et qui dit froid dit aussi pourquoi pas un voyage dans le sud. Non? Ben écoute, moi je suis partant. Si tu me l'offres, je dirais pas non. Alors pour ma chronique de ce vendredi, j'ai décidé de parler d'un sujet plutôt léger quand même, le bronzage ou cette envie d'être bien cuit. Alors, je m'explique. Croyez-vous que le désir d'être brun chez certains jeunes peut être un indicateur de changement par rapport à nos critères de beauté? Mm-hmm. Parce qu'on sait que le bronzage est très populaire chez les jeunes. Et la preuve, c'est que le gouvernement du Québec a passé une nouvelle loi récemment pour interdire le bronzage aux 18 ans et moins, notamment pour les cancers de peau, là. Oui, la loi 74. Alors, jadis, on associait bronzage avec, pardonnez-moi l'expression, douchebag et douchette. Donc, on pensait surtout à un teint orangé et peu flatteur. Et le même teint qu'on retrouve aussi chez les culturistes pour faire ressortir mm-hmm. leurs muscles. Mais alors, même dans les années 80. Ouais, là, dans les années 80 aussi. Avec oui. L'huile de bronzage et les. Oui, oui, écoute, c'est. Bref, la notion de bronzage extrême, ouais. Là, on va appeler ça bronzage mm-hmm. extrême, a souvent une connotation négative. Alors, je dirais pas que ce n'est plus le cas du tout, mais je pense qu'on assiste à un virage depuis quelques années déjà. C'est-à-dire? Je m'explique. Il y a plusieurs jeunes filles et sûrement quelques jeunes hommes qui s'identifient à des vedettes américaines comme Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher ou Eva Longoria. Et ces mêmes jeunes, comme n'importe quel jeune d'ailleurs, veulent ressembler à leurs icônes, à leurs icônes américains. C'est pourquoi il y a de plus en plus d'adolescents qui déambulent dans les rues avec un look semblable à ces stars. Donc, que ça soit au niveau des vêtements, que ça soit au niveau de la coupe de cheveux, donc les extensions, les tresses, etc. Et ils veulent aussi un teint basané. Donc, de là l'engouement pour les salons de bronzage et mm-hmm. la loi 74 aussi. Alors, bien sûr, je ne peux pas généraliser parce que les vampires et les zombies ont, au teint blême, ont la cote auprès des jeunes filles aussi. aussi. Alors, hein? Plusieurs sont Twilight, amoureuses de notamment. Monsieur Twilight, oui, Robert Pattinson. Puis, à l'international, on tombe dans un autre débat mm-hmm. aussi, donc par rapport aux Asiatiques qui se font débrider les yeux ou les Indiennes qui font appel à des traitements de blanchissement de la peau. Mais je trouve quand même que c'est un indicateur de changement. Je trouve ça le fun de voir des ados qui reconnaissent la beauté de la diversité. Et j'aime l'idée de se détacher du standard européen. Je trouve ça le fun d'avoir des jeunes filles qui veulent avoir l'air de J-Lo, tout de même. Et donc, tu l'as mentionné plus tôt, la nouvelle loi 74 interdit aux mineurs l'accès au salon de bronzage, ce qui est une excellente chose. Mais je tiens à rappeler qu'il y a différentes façons d'être brun. Et plus sécuritaire, bien sûr. Et je pense que l'important, c'est seulement de voir la beauté et la pluralité des styles, de pas seulement s'identifier à un seul modèle, un seul format, et que la beauté, mais c'est très, très large. Donc, c'est pas juste une seule palette de couleurs. Alors, on peut être un petit peu brun, un petit peu moins brun, puis un petit peu plus beige ou moins beige. Alors, je trouve que l'univers pop, donc la musique pop, que plusieurs critiquent, a quand même cet avantage-là qui est de démocratiser, de démarginaliser, en quelque sorte, la beauté de la diversité. Donc, c'est ce qu'on oublie avec la surtout pop. Surtout aux États-Unis. Surtout hein. aux États-Unis, mais c'est un phénomène, mm-hmm. Je veux dire, la pop est mondiale. Et je trouve que c'est bien de voir des affiches, de voir beaucoup de vidéoclips, de voir des covers de magazines. Mm-hmm. Sans Rihanna, sans Beyoncé, ou Jennifer Lopez, Eva Longoria, etc. Nouvellement aussi, Sofia Varga, qui est dans Modern Family. Donc, sans ces icônes-là américaines, il n'y aurait pas de diversité sur les magazines Vogue, Cosmopolitan, In Fashion, etc., etc. Donc, c'est grâce à ces femmes-là que les jeunes veulent s'identifier à ces visages de la diversité. Et c'est fou, hein, parce que lorsqu'on parle d'un teint plus basané, c'est une réalité qui est très, maghrébine, très nord-américaine aussi, avec nos critères de beauté. En Asie, c'est quand tu parlais oui. des Indiennes avec le blanchissement, oui. Oui. Des traitements pour être plus blanche. En Chine, j'y étais moi-même, et dans les rues, les gens se promènent avec des parasols l'été, les jeunes femmes. Oui, pour conserver leur teint. teint un peu plus leur teint blanc. Oui, c'est pour rester blanc. Ouais. C'est pas nécessairement pour se protéger des rayons du soleil, des rayons UV pour les cancers de peau. C'est pour rester blanc. Et c'est la même chose au Japon aussi. La mode, la beauté au Japon, faut que tu sois blanc, blanc, blanc. Alors qu'ici, justement, en faisant appel peut-être avec davantage là, de diversité d'influence comme modèle. Aussi, d'influence américaine. Je pense qu'on est vraiment influencé par l'univers artistique américain. Mais c'est quand même un commentaire que j'ai entendu à quelques reprises dans la rue quand même. Non, moi, je préfère être blanche. Je n'aime pas avoir un teint plus foncé pendant l'été. Alors, je préfère me protéger du soleil. Donc, c'est des commentaires qu'on entend. Je ne serais pas poussée à dire que c'est à connotation raciste, mais il ne reste que des gens qui considèrent que quelque chose, un teint de peau beau, c'est lorsqu'il est blême ou plus naturel, si on est plus pâle, effectivement. Mais c'est intéressant. Écoute, on pourrait lancer le débat. Est-ce que c'est la cause? J'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes filles influencées justement par leurs idoles à ce niveau-là. Mais merci beaucoup, Annick. Au plaisir. D'avoir apporté un peu de soleil aujourd'hui.